Il est 13h passé de 30 minutes. Bienvenue à tous et à toutes. Voici le retour de l'émission, comme tous les mardis, entre 13h30 jusqu'à 17h. Voilà donc, juste à l'instant, on a pu débuter l'émission avec Ottawan. Et puis donc, je vous laisse avec aussi un autre groupe, le groupe Magique, avec le début, c'est tout simplement Magic System. Et puis juste après, voici avec un tube qu'on a bien connu dans les 80-85. Avec tout simplement Silver Podoli, Aaron Mandwim et puis un autre groupe Gold. See my dream around. Do, do, do, ils ont quitté leur terre, leur champ de fleurs et leur livre sacré. Arc-en-ciel, un amour de la femme. s'appelle Dépêche Mode, et puis juste après, Si j'étais un homme, avec Yann Antel. Yeah.

dernières années, il ne me reste plus rien. Laurence avec son titre Africa, et puis juste après deux chansons différentes seulement pour Véro, seulement ainsi donc Céline Dion et seulement Goldman. Africa, j'ai envie de danser comme

simplement Florian et je laisse avec quelques chansons portugaises et on se retrouve juste après. jakostu Jeu ten se schon zwei Wien Rasse, rasse, mehr von vor Jetzt ein Leute nach dem Wien Bei und ein Jahr, bei und Vira Hat der Rock, bei und Schild Du, du, du gehst, sondern Gost Dann eben kannst du du bei Mesche, mesche, Portugues Manda embora a tristeza Eu gosto do teu palácio É uma festa portuguesa Mesche, mesche, Portugues Festa portuguesa Gaita cantar tous et à toutes. Merci de rester fidèles à Radio Arc-en-Ciel. Voilà donc, et ainsi donc, Daniel Asseloff avec Looking for Freedom, et puis ainsi David FR. Freedom, I have none. I've been looking for

mais c'est la dernière séquence. Et le rideau sur l'écran est tombé. Bye bye, les filles qui tremblaient pour les jeux de premier. Bye bye, rendez-vous à jamais, mes chocolats glacés. S'en va boire un café, un vieux pleure dans un coin, son cinéma est fermé, c'était la dernière séquence, c'était sa dernière séance, et le rideau sur l'écran est tombé. C'est de loup jusqu'aux bisous très doux, des bisous sur les paupières et des patins en fer. Mais ils peuvent nous faire payer un impôt s'ils voient qu'on s'embrasse trop. Oui, on s'en fera des concerts bientôt, bientôt, bientôt. Ensemble on chantera, j'espère, Lily et les colos. On chantera les rigolotes et celles qui font pleurer. Mais ils peuvent nous faire payer un impôt s'ils voient qu'on chante trop. Oui, on s'en fera des restos bientôt, bientôt, bientôt. Déguster le pot-au-feu, senteur du couvre-feu. Plus de masques délétères, de postillons douteux. Mais ils peuvent nous mettre un procès verbal s'ils voient qu'on se régale. Rouvrir les petits magasins, tous ceux qui servent à rien, ceux qui seront les coupables d'être non indispensable. La musique, les fleurs, les livres, toutes ces choses futiles, toutes celles dont ils auraient dû se nourrir au lieu de nous rabaisser. Oui, les grands voyages approchent bientôt, bientôt, bientôt. Sans permission dans la poche pour ces petits capots, partir aux îles de la sonde pour sonder nos amours. Et cette fois sans casquer à ces blaireaux leurs 135 euros. Oui, on va s'éclater de rire bientôt, bientôt, bientôt. On oubliera le croque-mort qui venait compter les morts. Sympathie et sans rancune, on va passer l'éponge quand ils seront partis. Au nord, c'était les corons. La terre, c'était le charbon. Le ciel, c'était l'horizon. Les hommes, les mineurs de fond. Nous

against the window. The sun can shine so bright up in the sky. But Daddy always told me, don't make small talk. Avec les amis, les chums, la parenté. Y'a pas meilleure place dans le village pour s'amuser. Puis se faire un feu avec du bois, d'eau salée. À toutes les îles, pas chez nous, c'est rendez-vous. Tous avec nos guitares, chanter comme des fous. Des chansons de Julie, puis des vers du gay. C'est comme ça que ça se passe chez nous, sur le bout du quai. C'est sûr qu'il faut que nous chantons, c'est done country. Puis du rockabilly. Tout le monde les pieds pendant au bout du quai. La pleine lune qui brille, le party est pogné. À toutes les îles, les pas chez nous, c'est rendez-vous. Tous avec nos guitares, chanter comme des fous. Des chansons de Julie, puis des vers du gay. C'est comme ça que ça se passe chez nous, sur le bout du quai. C'est sûr qu'il faut que tu chantes une petite country. De Nicomien, it's now on Alejandra, Elvis Presley. À toutes les îles, les pas chez nous, c'est rendez-vous. Tous avec nos guitares, chanter comme des fous. Des chansons de Julie, puis des vers du gay. C'est comme ça que ça se passe chez nous, chez nous du gay. À toutes les îles, les pas chez nous, c'est rendez-vous. Tous avec nos guitares, chanter comme des fous. Chanson de Julie pis des frères du gay. C'est comme ça que ça se passe chez nous, sur le bout du gay. C'est sûr qu'il faut que je chante une petite tonne country. C'est comme ça que ça se passe chez nous, sur le bout du gay. C'est sûr qu'il faut que je chante une petite tonne country. C'est sûr qu'il faut que je chante une petite tonne country. Hey! À tous et à toutes. Merci de rester fidèles à Radio Arc-en-Ciel. Voici donc tout simplement Mark Knopfler avec Lily Harmony, puis juste après on écoutera Kenza avec son titre Lonely. sont pour entrer dans la danse. Des coups, des bottes sans équivoque, du bon, du mal, même si ça choque. Chanter, crier, ça, je sais faire bien plus pour plaire. Warrior, c'est moi, je suis comme ça. Warrior, c'est moi. Dans mes combats, Warrior, c'est ça. Warrior, c'est moi. Warrior, c'est moi. Je monte sur la scène comme sur un ring. Pas de dentelle ni décolleté. Vêtu de cuir pour vous chanter. Un petit rock bien pimenté. Simplement armé d'un micro. Écoute mon flow, je viens te chercher dans ta radio. Dans ta radio. Warrior, c'est moi. Je suis comme ça. Warrior, c'est moi. ce n'est pas fini. Mais dis-moi, Léonie. Dans l'Ouest américain. Oh, hello, hello, hello, mes chevaux. Missouri et California. Oh, hello, hello, hello, mon galop. J'ai traversé tout le Texas. Hello, hello, hello, hello, hello, mes chevaux. Ma diligence prise en otage. Hello, hello, hello, hello, hello, mon galop. Je n'ai pas peur de la poussière. Hello, hello, hello, hello, mes chevaux. J'aimerais vivre cette époque légendaire. Ho, ho. Only baby, stand you. Baby, baby, stop. Ma ruée vers l'or. Amour, mon unique trésor. Amour, voyage au long cours. Amour. Salon en fumée, j'ai dû pointer mon revolver sur la tempe d'un vieil ivrogne pour éviter ce fou qui grogne. J'ai suivi le Red River et juste avant de me fiancer, j'irai retrouver la Célédie en partant. Oh, hello, hello, hello, mes chevaux. Oh, oh, oh, mes souris et California. Oh, hello, hello, hello, mon galop. J'ai traversé tout le Texas. Hello, hello, hello, hello, hello, mes chevaux. Ma diligence prise en otage. Hello, hello, hello, mon galop.

Ève, lève-toi. la suite des émissions pour le mercredi, donc dans l'après-midi à partir de 14h jusqu'à 16h avec Gloria. Juste après, entre 18h jusqu'à 19h30, avec Violette, l'émission traditionnelle, et puis Christina, avec son émission entre 19h30 jusqu'à 21h. Et puis juste après, notamment le jeudi matin, à partir de tout simplement 9h jusqu'à midi, avec Amor Giro, Vase de Portugal. Et puis l'après-midi, à partir de 15h jusqu'à 17h, vous allez retrouver Chantal avec Groove Tropical. Et après, Sylvia avec Pause Musicale entre tout simplement 18h, 20h. C'est dans les années 80, avec tout simplement le groupe Cool and the Gang, Chic, et après Culture Club. It's alright.

au point, je sais que tu juste après France Gall, voici donc la compagnie créole et puis suivi de Alliage. Et c'est le son qui court.

douleur dans ton cœur plein d'effroi se planteront bientôt. Console, hélas, et qui fait vivre, c'est le but de la vie, et c'est le seul espoir, qui comme un élixir nous monte et nous enivre, et nous donne le cœur de marcher jusqu'au soir. Venue danser dans l'escalier, elle porte de grosses chaussettes et des chaussures de ski aux pieds. L'ours polaire sous l'édredon me joue un air d'accordéon. J'ai pas envie de le dégonfler, ça pourrait bien le faire pleurer. Oh, ça pourrait bien le faire pleurer. Toi, tu ne rentres pas ce soir, alors j'ai décidé de boire. C'est pour ça qu'il y a des éléphants roses affalés sur le divan. Attention, ils ont l'air méchants. Attention, ils ont l'air méchants. Je suis sous-polé, c'est pas ma faute. T'as dit des trucs qui me plaisaient pas. Tu reconnaîtras jamais ta faute. Mais le malaise vient pas de moi. Si tu fais rien, qu'à me contrarier, un beau jour ça va exploser. Si toi et moi, tu veux que ça dure, faudra déposer ton armure. Faudra déposer ton armure. Mais tu ne rentres pas ce soir, alors je continue de boire. Et y a de plus en plus de serpents, des cafards, des trucs volants. Attention, ils ont l'air méchants. Attention, ils ont l'air méchants. Une attaque et elle est couchée sur le flanc. Je vaux guère mieux, je suis pas traque, je me sens malin dedans. Des orchidées rouges carmin qui s'invitent pour boire mon vin. Des tarentules de mauvais ton qui viennent consommer mon bourbon. Qui viennent consommer mon bourbon. Tu peux bien t'en aller au diable, ça me fait plus rien, je m'en fous. Je suis dans un état pitoyable et j'arrive plus à tenir debout. Oui, mais là, c'est toi qui t'en fous. Oui, mais là, c'est toi qui t'en fous. Oui, tu peux bien aller au diable. Toi et tes scènes, j'en ai marre. Ça me fait plus rien, sale minable. S'il te plaît, rentre pas trop tard. Tu vois bien que j'ai le cafard. Oui, j'ai le cafard. J'ai encore rêvé d'elle, c'est bête.

Sur les sentiers tragiques, mélodiques, où la faune s'amoncelle, on se regarde, on se regarde. Dans un monde théorique ou pratique, fait du pareil au même, on se regarde, on se regarde. Le ciel étoilé immaculé des derniers jours d'automne. On se regarde, on se regarde. Vulnérables et fragiles sous la voûte où rien n'est monotone. On se regarde, on se regarde. Le sol glisse aux abysses, la jeunesse éternelle. On se regarde, on se regarde. Conquérant des vainqueurs sans rancœur, des années qui s'enchaînent. On se regarde, on se regarde. Un bruit cette nuit dans le nid de l'horloge assassine. On se regarde, on se regarde. Tout autour il sourit, nos amis sous le ciel immobile. Ils nous regardent, ils nous regardent. avec mon enfant sous mon bras, coûte que coûte. Il ne me quittait jamais, jamais. Je regardais mon portable, des souvenirs de chaque ville. Du sud au nord, du nord à l'ouest, de l'ouest à l'est. Il ne me quittait jamais, jamais, jamais. Oh, écoute. J'avais le regard sur lui, comme une envie de recommencer. Sur les routes, jamais il ne me quittait. C'était mon bébé. Oh, écoute. Partout où j'allais, il était avec moi. Même quand j'étais en train de répéter, j'avais toujours la joie de le revoir après mon final. C'est grâce à lui que vous pouvez aujourd'hui partager ma vie. C'est aussi grâce à lui que moi, je peux communiquer, que je peux vous parler à tout moment de la journée. Oh, écoute, on n'arrête pas le progrès, et tant mieux. Avec lui dans ma poche, de vous, je serai toujours plus proche. Pour vous, comme pour moi, c'est normal. Dans notre monde, on ne parle plus à son voisin. Pourtant, vous êtes tous mes copains. Et tous les jours, et tous les matins, vous m'écrivez pour me dire bonjour. Vos mots gentils et toute votre sympathie embellissent chaque jour ma vie. Et pour moi, c'est un délice. Vous l'avez tous compris. C'est à nos portables qu'il faut dire merci. Notre radio, Radio Arc-en-Ciel. Susan! Good going, stranger. And you get there. Yeah. Voici donc juste après Madonna, voici donc My Brandt, Laisse-moi t'aimer et Aznavour. Laisse-moi t'aimer toute une nuit. Laisse-moi toute une nuit faire avec toi le plus long, le plus beau voyage. Oh, oh, oh. Veux-tu le formidable. You are my love, very, very, very, véritable. Et je voudrais pouvoir un jour enfin te le dire, te l'écrire dans la langue de Shakespeare. My Daisy, Daisy, Daisy, désirable. Je suis malheureux d'avoir si peu de mots à t'offrir en cadeau. Darling, I love you, darling, I want you. Et puis c'est à peu près tout. You are the one for me, for me, for me, formidable. You are the one for me, for me, for me, formidable. But how can you see me, see me, see me, see me noble? Je ferais mieux d'aller choisir mon vocabulaire pour te plaire dans la langue de Molière. Toi, tes eyes, ton nose, tes lips adorables. Tu n'as pas compris. Tant pis, ne t'en fais pas et viens-t'en dans mes bras.